La quatrième conférence de l'Union internationale des travailleurs agricoles et alimentaires tenue à Paris a adopté un appel en faveur de la cause juste du peuple coréen. Le texte indique que la conférence soutient activement le projet de réunification de la Corée présenté par M. Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée au 7e congrès du parti, visant à adhérer à l'indépendance nationale et à la Grande Union nationale, à assurer la paix durable dans la péninsule coréenne et à réaliser la réunification sous forme de système fédéral. Il invite toutes les organisations des travailleurs de l'agriculture et du secteur intéressé du monde à condamner résolument la politique d'hostilité des États-Unis et des pays satellites à l'égard de la Corée et leur mener de sanctions injustes et à formuler soutien et encouragement désintéressé à la lutte du peuple coréen pour réunifier lui-même le pays suivant la volonté indépendante et la demande de la nation.